13-80 chez nous. Petite Blanky. Salope, c'est mort, j'ai là. 9, j'ai 3, pas une gueule, 140. VIP, bouge faire la queue. Combien de fois je dois sortir en boîte aussi. Pour que je te nique. Taper une queue, c'est 15 fois plus économique. C'est la honte, Zinkou. Tu sers à rien. Sors-moi. Change de pinko, c'est chaud. Laisse pas traîner ta sœur. Si tu veux pas qu'on lui casse les seuls, qu'elle te ramène du vice. Laisse pas traîner ta sœur. Avant qu'elle me traite de petite tabac, tu la compares à une petite carpa là, Jessica Alba. Salope, j'ai ton phone, mais ce qui motive c'est ta mouille. Pas tes diplômes, t'as cru que j'étais chargé d'un recrutement ou quoi. T'as déjà le cul épuisé. Comment pourrais-je t'épouser? Allez ta gueule, vas-y vas-y, commence à sucer. Tu veux transformer mon salaire de merde en une bouteille de Sky dans un club de la capitale. Tiens, tu veux quoi? J'ai rien. Casse-toi. Quoi? Sale négro, t'auras pas un euro. Non, non, poulet, t'es pas de la poulette. T'es plus voyante que Dieu donné dans une synagogue. On va se mettre d'accord, mon sperme n'est pas destiné à tes ovules. Je préfère de loin qu'il s'arrête dans ta gorge. Je me méfie de ta sœur. Elle tape des délations de viol chez ni pute ni soumise pour sauver sa réputation. Poto porte des gants, y'a son string qui dépasse. Elle veut pas qu'on la cause, putain, prend les gens pour des cons. Cherche du taf. Au lieu de chercher des pigeons au milieu, t'es la Paris Hilton du 9-3 sans les millions. T'as plus rien à voir avec ta daronne mère. Vas-y, roule du fion, l'espo reste méfiant. D'ici là que les parents l'attrapent, veille sur elle. Dehors les gars ils ont des morts de barons massacres. Qui flash sur les golfs, toi règle les Cayennes, Haute-Seine, Val-de-Marne. Laisse pas traîner ta sœur. Celle qui pleuve qu'elle dort chez la Zinkou pour exhiber son cul dans les soirées plages. Laisse pas traîner ta sœur. Celle qui flambe dans les zones, dans la ligne de chauffe dans le 7-7. Laisse pas traîner ta sœur. Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, tu sais. Mauvais plan dans la pas d'odeur mon frère. Mais la femme a giflé. Pour toutes les putes tu parles à soi aux zènes. Eh ouais. Eh, pas de malentendu hein, y'a pas les russes des gens visés. C'est pour toutes les petites crates, Renza, Koussa, Routi. Laisse pas traîner ta russe. Tu veux pas qu'on lui casse les Routes. Secret, me garde d'action de groove. On vient choquer la France, production. Après le clip de l'année, Sirène Charbon. Sommet de l'année, la tape de l'année, le plus hardcore. Soldat sans grade. C'était la tape, poto. Lâche les $12.99. Double CD, mini album. Christmas carré. Toujours visible, mais peu clic sur le net. Avec les télés. C'est pas ce qu'il y a de mieux, ma gueule, là, tu sais. Hein. C'était routier, ma gueule. Condor, mes 12. Petit Charles, Rismo, pour Bolide, Bolide, Bolide.